êtes sur le point d'être témoin des pensées d'un homme perdu. Perdu entre l'homme qu'il était hier et l'homme qu'il est aujourd'hui. Perdu entre ses sentiments et son ego. Les pensées d'un homme qui devient comme les gens qu'il détestait auparavant, sans même s'en rendre compte. Peu de temps avant que son cœur explose. Boum, boum, boum, boum, boum. Rive gauche.